Wilbrod le Rouge, extrait des Petits Contes alsaciens écrits par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Monsieur le curé de Falkenstein est un peu mon parent. Je vais le voir quelquefois, et toujours, de toutes mes visites, j'ai tiré du plaisir et du profit, car c'est un brave homme, un prêtre selon l'Évangile et un aimable savant. Un jour, le meunier de la Zornbach vint le voir pendant que j'étais là et fit une charge à fond de train sur les gens dévots sous prétexte que, pendant l'invasion, un soldat allemand qui affectait une piété excessive lui avait volé, étant chez lui par billet de logement, une demi-douzaine de bonnes chemises et une montre en argent qui valait son pesant d'or. Monsieur le curé se mit à rire et lui dit « Il y a une vraie piété et une fausse piété, comme il y a des meuniers honnêtes et d'autres qui ne le sont pas. La vraie piété est celle qui transforme l'homme intérieur, qui fait naître et développe en lui la charité. La fausse piété, mais au lieu de la définir, j'aime mieux vous la montrer à l'œuvre. » Voici ce que j'ai trouvé ce matin en feuilletant la chronique des hauts et puissants seigneurs de Falkenstein. La chose se passe au XVIe siècle. Après avoir longtemps couru la poule, ravagé le plat pays, mis à sac les villages et les villes qui n'étaient point remparés, pillé les couvents et les églises, les malandrins tombèrent dans une embuscade et Monseigneur le prince de Falkenstein les fit comparaître l'un après l'autre en sa présence. Les uns grinçaient des dents comme des loups pris au piège et se raidissaient pour rompre les cordes dont on les avait liées. Mais les cordes étaient neuves et Monseigneur le prince détournait les yeux de ces bêtes féroces en disant qu'on en fasse justice. Les autres gardaient un silence farouche, tant leur pesait la conscience de leur forfait. D'autres osaient faire appel à la pitié de Monseigneur le Prince, se rejetant sur la dureté des temps qui les avaient contraints de chercher leur vie à la pointe de l'épée. Quelques-uns pleuraient, ils avaient des femmes et des petits-enfants, ce qui ne les avait point empêchés de massacrer les femmes et les petits-enfants des autres. Qu'on en fasse justice, disait Monseigneur le prince, et l'on passait à d'autres. Enfin comparut un routier qui déclara effrontément que si Monseigneur savait seulement son nom, il serait trop heureux de le prendre à son service. Sa réputation seule ferait plus que 100 hommes d'armes pour épouvanter les ennemis de Monseigneur. Qui est celui-ci ? Demanda Monseigneur en se tournant vers ses familiers. Le capitaine Saint-Vast, qui se trouvait présent, répondit « C'est Wilbrod, que les uns appellent le rouge à cause de la couleur de son poil, et les autres le diable à cause de la noirceur de son âme. » À ces mots, Wilbrod se redressa comme un honnête homme à qui l'on rend justice, et sur sa peau sèche et tannée, il se forma une foule de petits plis autour des yeux et de la bouche. C'était sa manière de sourire quand on lui faisait un compliment. Il était hideux, mais du reste, content de lui. Monseigneur voulut voir jusqu'où allait la perversité de cet homme et lui demanda « Pour qui te bats-tu ? Pour qui me paye le plus ?» répondit l'autre d'une voix assurée. « Pourquoi te bats-tu ? Pour ramasser de l'argent. Pourquoi massacres-tu des gens sans défense ? C'est une des nécessités du métier. Les marchands sont obligés de voler. Nous sommes obligés de tuer. Sans cela, point d'affaire. Monseigneur ne sait pas comme les gens sont obstinés quand ils ont mis dans leur tête de ne pas dire où est leur argent. » Les menaces ne suffisent pas toujours. Alors il faut bien en venir au coup. C'est comme cela qu'on se fait une bonne réputation. C'est un proverbe parmi mes compagnons que partout où passe Vilbrode le Rouge, le lard tremble de lui-même au croc, les poules savent que leur fin est proche et les pièces d'or sautent hors de leur cachette. Mettez-moi en face de vos ennemis, ils ne vous gêneront plus guère. Tue, tue, tel est mon cri de guerre, car plus on en tue, moins il en reste. Tout fier de sa logique et de son éloquence, Vilbrode le Rouge allongea le cou pour entendre ce que Monseigneur trouverait à répondre à cela. « Mais misérable, reprit le prince, qui tremblait d'indignation, tu n'éprouves donc jamais de remords? Tu ne crois donc pas en Dieu? Tu ne crains donc pas sa justice ?»« Si on peut dire de pareilles choses, reprit le brigand avec un air de dignité offensée, et me le dire à moi ?» qui ne parut jamais devant une croix sans ôter ma toque et sans dire mes patenôtres. Moi, ne pas croire en Dieu, moi qui ne laisse jamais le soleil se coucher sans régler mes comptes avec lui. Le matin, je ne manque jamais de lui demander bien dévotement de bénir ma journée et de me fournir l'occasion de faire un bon coup. Le soir, quand la journée a été rude, que j'ai été tenté au-delà de mes forces, que j'ai frappé un coup de plus qu'il n'était nécessaire, que j'ai été un peu vif, que j'ai brûlé les gens avec la maison, je ne manque pas de tirer mon chapelet et de dire une oraison pour compenser le peu de mal que j'ai pu faire. Tant pour un coup de pertuisane, tant pour une maison brûlée, tant pour quelques vases précieux recueillis dans une église où ils étaient mal gardés, et où le premier venu les aurait pu prendre aussi bien que moi. Pour faire bonne mesure et n'être point en reste, je me découvre et me signe devant toutes les croix. Et même, si la besogne ne presse pas trop, je m'arrête pour prier. Et l'on vient me dire en face que je ne crois pas en Dieu et que je dois craindre sa justice. Le prince l'interrompit du geste et se tourna vers les assistants comme pour les prendre à témoin. Alors le capitaine Saint-Vast raconta que des gens du pays l'avaient vu, en effet, le jour même où il fut pris, rester en arrière du reste de la bande et s'arrêter devant une croix de bois au coin d'un chemin. Appuyé sur sa pertuisane dont la pointe venait de percer des poitrines humaines, chargé encore des ornements sacrés qu'il venait de voler dans une église, il avait tiré de sa poche un chapelet et s'était mis à prier avec les apparences de la plus grande dévotion. Le chapelain de Monseigneur se signa et les assistants firent entendre un murmure d'horreur. « Tu as fait cela ?» demanda Monseigneur en cherchant à se contenir. « Je l'ai fait, répondit le malandrin, parce que telle est ma coutume. Encore une fois, quand j'ai réglé mes comptes avec Dieu, ma conscience ne me reproche plus rien. « Vilain, s'écria Monseigneur, tu es 10 fois pire que tous les autres, puisque tu te joues du saint nom de Dieu et que tu prétends le mettre de moitié dans tous tes crimes. » Ta prière ne monte pas vers son trône, car elle ne part point d'un cœur contrit et humilié. C'est une nouvelle insulte à sa majesté et à sa justice. C'est un nouveau sacrilège, plus noir que tous les autres. Qu'on me délivre au plus vite de la vue de cet abominable réprouvé. La chronique ajoute ceci. Ce qui suivit fit bien voir que la prétendue piété de Vilbrode n'était que feinte et menterie. Au lieu de se tourner vers son créateur pour lui demander consolation, il le détesta comme un débiteur de mauvaise foi qui refuse de payer sa dette et maltraita en parole le bon religieux qui venait l'exhorter à se repentir et à faire une fin chrétienne. Le dit Vilbrode mourut donc comme un païen, de quoi nul ne s'émerveilla, parmi ceux qui connaissaient à plein quelle avait été la couleur de sa vie et la noirceur de son âme. La prétendue foi de ce méchant homme ne ressemblait pas plus à la sainte foi qui nous sauve que le plomb le plus vil, alors le plus fin, sortit tout pur du creuset. Le meunier de la Zornbach avait écouté le récit de monsieur le curé avec la plus grande attention. « Monsieur le curé, dit-il en manière de conclusion, ce que je disais des dévots, c'était pour rire, vous savez. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ces gens qui nous tuaient et nous volaient au nom de Dieu ressemblaient beaucoup à Villebrode le Rouge ? » Monsieur le curé ne put s'empêcher de sourire. « Je vois, dit-il, que vous savez tirer la moralité d'une histoire. »